Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'incident Almaz, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Daigre, réalisée par Michel Sidorov. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire de la mission Longevity, ou comment les passions s'invitent dans l'espace et modifient les relations entre astronautes et peuvent même mener à la tragédie. Cette histoire commence en 2028. Corinne Lazar, une psychologue du centre d'entraînement du corps des astronautes européens en Allemagne, enregistre son rapport suite aux événements difficiles qualifiés d'événements du type Almaz qui se sont déroulés à bord de la Station Spatiale Internationale. Que sont donc ces événements et que signifie Almaz? Pour comprendre, revenons en arrière, remontons le temps. Nous sommes le 22 juin 1976, l'Union soviétique lance Salyut 5, une station militaire spatiale de type Almaz, en français diamant, conçue pour l'espionnage. À bord d'un vaisseau Soyouz, les cosmonautes Boris Volynov et Vitaly Lolobov rejoignent la station le 6 juillet. Le 19 août, les autorités soviétiques annoncent que le bas niveau d'activité solaire permet à l'équipage d'effectuer un long séjour. Pourtant, 5 jours après, les deux hommes reviennent sur Terre. Quand ils sortent de leur capsule, ils sont visiblement très éprouvés. Il semble qu'ils n'aient pas pu effectuer les exercices de préparation de retour au sol. Côté occidental, les spéculations sont nombreuses sur cette interruption prématurée de la mission. Que s'est-il réellement passé à bord de Salyut 5? 40 ans plus tard, l'ouverture des archives soviétiques révèle une histoire stupéfiante. Une violente querelle a opposé les deux cosmonautes, querelle qu'ils ont tenté de solder lors d'un combat à l'arme blanche à 250 km d'altitude. Depuis, les procédures psychologiques de sélection et de composition des équipages ont été profondément modifiées. L'hypothèse d'un conflit violent entre astronautes pendant une mission est devenue improbable. Néanmoins, dans la perspective de vols de très longue durée, le confinement, la promiscuité et l'isolement par rapport à la Terre seraient extrêmes. Le stress psychologique pour l'équipage atteindrait probablement un niveau jamais expérimenté. De quoi rendre l'hypothèse d'un incident Almaz à nouveau crédible. Après la fiction, nous recevrons Jean-François Clairvoy, astronaute qui pourra, en toute connaissance de cause, nous parler de ce thème. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'incident Almaz de Vincent Daigre, une réalisation de Michel Sidorov. Juin 2028, centre d'entraînement du corps des astronautes européens en Allemagne. Bureau du docteur en psychologie Corinne Lazar. Enregistrement du rapport sur l'interruption prématurée de la mission Longevity. Rapport préliminaire sur un événement de type Almaz, survenu pendant la mission Longevity à bord de la Station Spatiale Internationale ISS. Pour mémoire, le terme Almaz se réfère à la station du même nom, à bord de laquelle deux cosmonautes russes se sont battus à l'arme blanche, en orbite basse, entraînant l'interruption précoce de la mission Soyouz 21 en 1976. La mission Longevity, elle, a été conçue comme une mission préparatoire à un vol au long cours. Sa durée prévisionnelle était de 640 jours, afin de simuler un vol vers Mars. L'étude des interactions entre les différents membres d'équipage, l'évaluation de la capacité humaine de résistance à un stress prolongé dans un environnement hostile étaient les deux objectifs principaux de la mission. Dans le cadre du dernier recrutement d'astronautes européens, j'ai activement participé à l'évaluation de Pietro Maggio, l'ingénieur électricien de Longevity. Je garantis sans réserve la fiabilité des procédures ayant conduit à sa sélection parmi plus de 12 000 candidats. Année 2020, 7 ans avant le lancement de la mission Longevity, centre d'entraînement du corps des astronautes européens. Bonjour Monsieur Maggio, et bienvenue au centre d'entraînement. Bonjour docteur. Votre candidature a été retenue avec 200 autres pour participer à la phase finale de sélection. Félicitations. Je vous remercie. Mais le plus difficile commence. Jusqu'à présent, la procédure suivie relevait du select out. Nous avons éliminé les profils qui, manifestement, ne correspondaient pas à ce que nous recherchions. Donc, sur le papier, je corresponds. Vous avez rempli avec succès les tests de QI, de logique, de mémorisation et de calcul rapide. Vos performances cognitives sont très satisfaisantes et votre condition physique excellente. Vous m'envoyez heureux. Vous êtes maintenant en phase de select in, pendant laquelle nous retiendrons les 8 meilleurs. D'une part, nous allons pousser au maximum les investigations médicales pour vous examiner sous toutes les coutures internes et externes. Je me suis préparé psychologiquement à d'éventuels actes invasifs. D'autre part, nous allons vous soumettre à des exercices de dynamique de groupe, à des tests en binôme et à des entretiens individuels. Notre conversation relève-t-elle du discours d'accueil ou bien avons-nous démarré les entretiens ? Nous commençons maintenant, si vous en êtes d'accord. Je vous signale aussi que nous sommes filmés. Ok. Monsieur Maggio, je vous propose le scénario suivant. Vous êtes deux astronautes en fin de sortie extravéhiculaire, en train d'effectuer des réparations sur le télescope spatial James Webb. Le successeur de Hubble. Exactement. Mise en orbite en avril 2018 par Ariane 5. Ok. Votre coéquipier, en tentant de rattraper un outil qui lui a échappé, s'emmêle les membres dans les câbles et fils électriques mis à jour lors de cette maintenance. Après avoir échoué à s'en extirper, il vous appelle à l'aide. Nous sommes dehors depuis combien de temps ? 6 heures. Si vous ne procédez pas à la réparation, le télescope sera perdu. Un coût de 9 milliards de dollars pour l'agence américaine. Et une perte inestimable pour la science. J'estime la durée restante de la réparation. Si celle-ci est inférieure à 30 minutes, je rassure mon coéquipier et lui demande de persévérer dans sa tentative. Il risque de ne pas apprécier ? Moi, je crois qu'il comprendrait. On dit qu'il n'y a rien de plus détestable pour un astronaute que de vivre avec la honte d'avoir foiré la mission. L'autonomie du scaphandre est de 8 heures, ce qui nous laisse encore 90 minutes après réparation pour le libérer. Hélas, sa première tentative a entraîné un début de dépressurisation de son scaphandre. Ce n'est pas son jour de chance. C'est un métier à risque. La longueur de mon câble de sécurité est-elle suffisante pour l'atteindre ? À peine. Tant mieux, il y a donc moins de risques pour l'emmêler lui aussi. Donc ? J'abandonne évidemment la réparation pour aider mon coéquipier à regagner au plus vite la sécurité de notre vaisseau. Avec ultérieurement la honte d'avoir foiré la mission ? Je crois que la honte d'abandonner un équipier serait nettement supérieure. Et puis, une fois celui-ci tiré d'affaire, rien ne m'empêche de retourner à la réparation, n'est-ce pas ? Vous décidez vite, en vous concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes. C'est bien ? Vous désirez ajouter quelque chose ? J'ai confiance dans les compétences des agences spatiales concernées pour que cela n'arrive pas. Et si le câble de sécurité avait été trop court ? Alors il aurait peut-être fallu s'affranchir des règles de sécurité. Je vous remercie, monsieur Maggio. Notre entretien est terminé. J'espère que nous serons amenés à nous revoir. Je l'espère de tout cœur, docteur. Juin 2028. Suite de l'enregistrement du rapport du docteur Lazare. L'équipage de la mission Longevity était composé de Pietro Maggio pour l'Europe, des cosmonautes Sergueï Obukhov, commandant de bord, et Fyodor Gorbenko, ingénieur mécanicien, tous deux issus du programme de sélection de l'agence spatiale russe, et de Catherine Eger, pilote, sélectionnée par l'agence spatiale américaine. Janvier 2027, deuxième jour de la mission Longevity. Rendez-vous entre le vaisseau Soyouz MS-22M et la station spatiale internationale. Orbite basse, 400 km au-dessus de la Terre. Approche finale. Vitesse 10 cm seconde. Tige d'arrimage déployée. Reçu. La procédure automatique fonctionne parfaitement. 4, 3, 2, 1. Contact. Papa est dans maman. Allumage des thrusters. Déploiement des verrous d'arrimage. We have captured. Bravo, Longevity. Bravo, contrôleur de vol, Houston. Catherine, je ne sais pas si les Russes vont apprécier que tu sois le papa et eux la maman. C'est notre vaisseau qui porte le camp d'arrimage mâle, mais il est de conception russe. Cela devrait suffire à préserver les susceptibilités. Rétraction de la tige. Pietro, ton micro est ouvert. Oh, pardon, Houston, je coupe. Tout ça, ce sont des histoires de mecs. Personnellement, moi, je m'en fiche. Équilibrage des pressions? T'as raison, c'est sûrement mon côté latin. Ouverture du sas. T'y vas ou j'y vais? Vas-y, c'est toi la plus ancienne. Charmant de me faire remarquer mon âge, Pietro. Bonjour, commandant. Bienvenue à bord. Il est d'usage chez nous, quand on vous tend la main, de la serrer en retour. Mais que faites-vous? Un problème, Longevity? Les Russes ont saisi Catherine pour l'emmener à bord de l'ISS. Voilà, nous pouvons nous serrer la main maintenant. Chez nous, on ne se salue pas sur le pas de la porte. C'est soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Je t'en prie, rentre, Pietro. Bonjour, Fyodor. Bonjour, Sergueï. Bienvenue. Bienvenue. Tout va bien, Houston. Le comité d'accueil est très aimable et la mission s'annonce tout à fait agréable. Avril 2027, 96e jour de la mission Longevity. Module de recherche européen de l'ISS, 400 km au-dessus de la Terre. Entretien radio entre le docteur Lazare, chargé du soutien psychologique au sol, et Pietro Maggio. Bonjour Pietro. Bonjour Corinne. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas discuté. Comment vous sentez-vous? Tout va bien. Ah, à l'écran, vous avez l'air en pleine forme. Vos données biologiques suivent les courbes prévisionnelles à la perfection. Votre intérêt pour mes courbes me réjouit. Je note que votre sens de l'humour est moins pertinent qu'en début de mission. Dois-je m'inquiéter? C'est vous la spécialiste. Je ne suis qu'un cobaye. Je m'intéresse aussi aux végétaux. Qui m'a donné? Big Brother vous regarde. De toute façon, cette expérience sur la pousse des laitues en pesanteur était dès le départ compromise. Je n'ai jamais eu la main verte. Vous avez lancé une seconde culture? Oui. En prenant garde cette fois que le sachet de graines ne m'échappe pas. On a planté de l'arabette des dames, comme prévu. Mais hélas, comme vous le savez, c'est pas comestible. Comment les autres ont réagi? Catherine est déçue. Elle ne m'a fait aucun reproche, mais je sais qu'elle aurait voulu un peu de verdure. Fyodor s'en fiche, il a ses propres cultures côté russe. Et Sergueï m'a paru agacé. Agacé? Ben oui, il devait filmer une visite à bord. Mais avec les graines en suspension dans le module, c'était pas très présentable. Je comprends. Faut voir le bon côté des choses, hein. La pollution n'est pas olfactive et ne modifie pas l'odeur habituelle de la station. Mais c'est quoi l'odeur habituelle? Alternativement, parfum antiseptique ou parfum sac poubelle. Ah oui, ce serait dommage d'en changer. Sergueï vous a fait une remarque directe? Oh oui, assez directe. En gros, il m'a bien fait comprendre qu'il n'appréciait pas trop le côté bordélique des latins. Il avait déjà rencontré le problème avec un coéquipier français sur un précédent vol. Pas très aimable. L'hypersensibilité slave, sans doute. Je m'en accommoderai. Comptez-vous aborder à nouveau le sujet avec lui? Je ne sais pas. Je devrais sûrement, mais il est un peu nerveux depuis quelques jours, alors... Peut-être il vaut mieux éviter les sujets qui fâchent. Je vous laisse, je vais lire mes mails. Portez-vous bien, Pietro. À bientôt. Juin 2028. Suite du rapport du docteur Lazare. Chargé du soutien psychologique au sol de Pietro Maggio pour toute la durée de la mission, je regrette profondément n'avoir pas su détecter à temps, à travers nos nombreux échanges radio, les manifestations de stress cumulatif de certains membres de l'équipage. Octobre 2027, 283e jour de la mission Longevity, coupole d'observation de l'ISS. Bonsoir, Fyodor. J'espère que je ne te dérange pas. Du tout. Je ne t'ai pas entendu arriver. Viens profiter du spectacle. La Terre. Je la regarde toujours un peu avant de m'endormir. C'est vrai que vous, les Russes, vous avez un hublot devant votre couchette. Vous êtes des petits vénards. Rien de comparable à la coupole d'observation. Ces 7 grands hublots offrent une vue panoramique. Il y a une aurore boréale au-dessus de la Scandinavie. Quelle splendeur. Et un orage au-dessus de l'Allemagne. Tu as vu le nombre d'éclairs? La vieille Europe est électrique. Moi, c'est voir la courbe de l'atmosphère qui m'émotionne. Sa couleur pâle et lumineuse, presque transparente. Une fine couche d'air sur une goutte d'eau. On ne s'en lasse jamais. Je ne te savais pas, poète. Il suffit de deux pas en arrière et toute la terre est sous nos yeux. Derrière ces hublots, l'humanité tout entière nous contemple. Toute l'humanité, moins Pietro et Sergueï. Oui, moins Pietro et Sergueï. La terre te manque, Fyodor. Surtout la pluie et le vent. Et Sergueï? Pardon? La terre lui manque autant qu'à toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il est de plus en plus tendu au fur et à mesure que les jours passent. Pietro et lui se sont presque disputés ce midi. Tu l'as vu comme moi. Pietro pose trop de questions pendant le repas. Mais toi aussi, tu poses trop de questions. Je veux juste éviter les ennuis. Il a été élevé à l'ancienne par sa grand-mère. Chez lui, on mangeait en silence. Écoute, si tu as un problème avec Sergueï, parle-en avec lui, pas avec moi. Avec moi aussi, il est presque agressif. Bon. Catherine, je veux que tu gardes pour toi ce que je vais te dire. Il a reçu une mauvaise nouvelle de Russie. Rien de grave, j'espère. Sa femme l'a quitté. Je suis désolée. Je ne voulais pas être indiscrète. Elle n'a visiblement pas pu attendre son retour pour le lui dire. Je ne comprends pas les femmes. Ce ne sont pas les femmes, Fyodor. C'est juste celles-ci. Du coup, il est plutôt irritable, même avec moi. Le contrôle de vol de Moscou est évidemment au courant. Oui, ils sont très attentifs à son comportement. Je te remercie de ta confiance, Fyodor. C'est sûrement le paysage qui favorise les confidences. Novembre 2027, 328e jour de mission. Module américain de recherche de l'ISS. À l'écoute avec Pietro à côté de moi, Houston. Bonjour Catherine. Bonjour Pietro. Où sont vos coéquipiers russes? Dans leur propre module de service. Figurez-vous que le centre de contrôle de Moscou a souhaité leur parler en privé, si je puis dire. Ce n'est pas très bon signe. Vous nous faites des cachotteries, Houston. Écoutez Catherine, sans rentrer dans le détail, le président Rogozin a exprimé hier un vif mécontentement vis-à-vis des dernières orientations de la politique américaine en Asie. Ce n'est pas une nouveauté, ça. Vous savez, vu d'ici, vos querelles terrestres nous paraissent bien futiles. Oui. Oui, mais cette fois, les présidents américains et russes ont eu des mots, à tel point que tous les bâtiments de l'US Navy dans l'océan Pacifique ont été mis en alerte. Et de son côté, Rogozin a fait procéder à l'expulsion de plus de 200 diplomates américains. Je ne vois pas en quoi ça nous concerne. La capsule américaine est en maintenance. La société qui la fabrique nous assure mettre les bouchées doubles, mais pour l'instant, la seule desserte possible de l'ISS ne peut s'effectuer qu'avec les vaisseaux Soyouz. Nous sommes parfaitement au courant d'avoir décollé de Russie et pas de chez vous, Houston. Je ne sais pas trop comment vous le dire, Longeviti. Rogozin a menacé de vous interdire l'accès aux deux Soyouz arrimés à la station. Bon, de toute façon, la mission se termine dans presque 12 mois. Ça laisse le temps aux différentes parties de se réconcilier. C'est du blabla tout ça. Jamais les Russes ne prendraient le risque de nous séquestrer à bord avec le monde entier pour témoin. C'est ce que nous pensons aussi, Longeviti. Mais nous devions vous en informer. Bah, si ça traîne, je battrai peut-être le record européen de durée dans l'espace. Au moins, ça embêtera les Français. J'aime bien embêter les Français. Juin 2028. Suite du rapport du docteur Lazare. Certains observateurs considéreront peut-être l'acte du commandant Obukhov comme une décompensation aiguë découlant de l'inefficacité des stratégies de lutte contre le stress. En ce qui me concerne, j'y vois aussi une carence du soutien au sol russe dans l'approche psychodynamique du groupe, notamment dans ses aspects interculturels. Décembre 2027, 362e jour de mission, 23h58 UTC, cuisine de l'ISS. Et après la langue de bœuf au lucullus au foie gras truffé et le suprême de volaille au vin jaune et morille, le chef vous propose un pressé de pain d'épices aux fruits exotiques. Splendide. Il faut bien reconnaître qu'en matière de menu, la contribution française est indispensable. Dommage que nous n'ayons pas un peu de vin pour accompagner. Nous n'avons pas de vin, mais j'ai apporté ceci. De la vodka. Tu sais pourtant, Sergi, que la consommation d'alcool est interdite à bord. Nous ne sommes pas obligés d'en parler à Moscou ou à Houston, Catherine. Juste une petite goutte pour fêter la nouvelle année. Comment as-tu réussi à la passer sans te faire prendre par la patrouille, Sergi? Une expérience sur le vieillissement de l'alcool en ont besoin de peur. Давайте, buvons-la. Oui, buvons-la en notant soigneusement le résultat. C'est une petite perte pour la science, mais un grand pas pour les festivités. Chin chin. Cheers. Chin. На здоровье. La vodka, même en sachet plastique et à la paille, c'est la boisson idéale quand il fait froid dehors. C'est l'heure. Attention. Paré au lancement de la nouvelle année. À 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu! Contrôle de puissance au vert. Décollage! Bonne année! Viens m'embrasser, Pietro. Bonne année, Fyodor. Je te souhaite une bonne année, Sergi. Qu'elle soit meilleure que 2027. Pourquoi meilleure? Oh, pour rien. C'est la vodka. Embrassons-nous. Bonne année, Catherine. Arrête, Sergei! Sergei, lâche-la! Il est complètement fou, il m'a embrassé sur la bouche. À la russe! À la russe, mon œil! C'était un French kiss, oui. Il a mis la langue. C'est un malentendu, Catherine. Sûrement un simple malentendu. Je suis désolé. Tu n'y es pour rien, Fyodor. Tu ne trouves donc rien à dire, Sergi. Je te suggère de retourner dans la partie russe de la station. C'est moi le commandant de la mission. Ici, dans la cuisine, tu es en territoire occidental. Et en Occident, les femmes sont les égales de l'homme. Commandant ou pas, tu dégages. Dépêche-les, Sergi. Bien, Sergi, allons nous coucher. Je t'assure que tu n'es pas en état. La vodka t'a monté à la tête. Ça ira mieux demain. Allez, viens. Ah. 1er janvier 2028. 363e jour de mission. Module américain de recherche de l'ISS. Voilà toute l'histoire, Capcom. Il n'y a pas mort d'homme. Comment ça, il n'y a pas mort d'homme? Vous êtes stupide en bas ou quoi? Vous croyez que je fais un caprice? Qu'il s'agit d'un problème de vertu outragée? Où sont les Russes en ce moment? En train de surveiller l'approche sous contrôle de Moscou du cargo de ravitaillement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais demander des instructions, Catherine. C'est ça, demander des instructions. Et moi, je vous dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sergi est en train de perdre pied, Houston. Il faut réagir et vite. Prendre des sanctions. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, je demanderai l'interruption de la mission. Je partage totalement l'avis de Catherine, Houston. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Houston! Qu'est-ce que c'était? Houston! Houston! Shit! Je crois que le cargo de ravitaillement nous a percutés. Allons retrouver Fyodor et Sergi. Tu entends ce bruit, Catherine? On perd de l'oxygène. Oui. On dégage. Catherine, Pietro, vous n'êtes pas blessé? On va bien. Et Sergei? Le voilà. Alors? On a un des deux Soyouz hors d'état. Je l'ai isolé du reste de la station, il perdait trop vite son oxygène. Peut-être qu'il est réparable, mais il faudra enfiler un scaphandre. Et vous? À vue de nez, on a une petite fuite sur le module de recherche et on a perdu les liaisons avec Houston. Le cargo a sûrement arraché vos antennes. Mais on a encore la liaison avec Moscou. Que fait-on? Fyodor, tu contactes le contrôle de vol, tu décris la situation et tu demandes des instructions. Catherine, Tu fais le tour du propriétaire et tu vérifies si tout va bien pour le labo européen et japonais. Pietro et moi, on va chercher à réparer la fuite sur le labo américain. Tout le monde garde son masque à oxygène à portée de main. Je préfère que Pietro prépare le Soyuz restant, au cas où on devrait évacuer. Elle a raison. J'y vais. Tu ne vas nulle part. C'est moi qui commande la mission. Sergei, le cargo que Moscou contrôlait vient de foutre en l'air un labo américain qui a coûté plusieurs centaines de millions de dollars. Je pense qu'une contrepartie minimum serait un commandement conjoint. J'y vais. Tu ne rentres pas du côté russe. Pietro, il est armé. La dotation normale des Soyouz en cas d'atterrissage sibérien, à cause des loups. Pose cette arme. Sergei. Ce sont les instructions du président Rogozin. Ils ne doivent pas s'approcher des Soyouz sans mon autorisation. Après un an passé ensemble, tu ne me tireras pas dessus, Sergei. Il faut préparer le vaisseau. J'y vais. Oh, il est blessé. Pietro. Pietro. Il est inconscient. Pietro. Va chercher la trousse de secours. Trouve-moi un coussin hémostatique. Sergei, je t'en supplie, pose cette arme, pose cette arme. Je ne voulais pas. Je voulais juste l'intimider. Il va mal, Sergei. Il va falloir l'évacuer. Je ne voulais pas. Sergei. Tu as raison. Il faut l'évacuer. Je vais prévenir Moscou et préparer le Soyouz. Il n'y a que 3 places, Sergei. Si Fjodor veut partir avec vous, je ne l'empêcherai pas. Et toi? Moi, j'attendrai les secours, la rotation suivante. Au pire, je m'isolerai dans le module de service. Je commande la mission. Je reste à bord. Juin 2028. Fin du rapport du docteur Lazare. Je suis heureuse que les interventions rapides de Catherine Egger, de Fyodor Gorbenko et la décision prise par le commandant Sergueï aient permis le retour de Pietro Maggio à bon port. Je pense néanmoins que sa survie doit autant à sa robuste constitution qu'à la chaîne de décision du contrôle de vol russe. Soumise au devoir de réserve, je respecterai le statut confidentiel appliqué à cette fin de mission. Néanmoins, à titre personnel, je désapprouve totalement la fable servie aux médias quant à l'héroïsme de l'équipage et de son commandant qui aurait permis à Pietro de survivre à une blessure provoquée par la collision. Ce n'est pas un service à rendre à Sergueï Obukhov que de le présenter comme le capitaine qui ne quitte pas le navire plutôt que de lui permettre de bénéficier d'une solide prise en charge psychologique à son retour sur Terre. En conséquence, après avoir répondu à toutes les questions de la commission d'enquête, j'aurai l'honneur de remettre ma démission. Docteur Corinne Lazare, Centre d'entraînement du corps des astronautes européens, 25 juin 2028. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. C'était L'incident Almaz de Vincent Daigre avec Anne Deleuze, Corinne Lazare, Alexandre Medvedev, Sergueï Obukhov, Nicolas Struve, Fyodor Gorbenko, Chloé Baker, Catherine Heger, Joachim Salinger, Capcom, Corrado Invernizzi, Pietro Maggio. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidorov. Il y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie, qui me défie, qui s'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, souris mais je le connais. glace, dont le regard me glace. Souris, mais moi je le connais. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace. Il me laissera pas en paix. Dehors, je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le danger, mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Je me souviens de l'homme que j'étais, mais un traître l'a fait disparaître. Moi qui je suis, chasseur ou chassé, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, souris mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il me veut pas du bien. Dehors je crois des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le danger, mais je reconnais chaque soir ce miroir. Dehors, je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le temps. Chaque soir, mon pire ennemi dans ce miroir. Хорошо, комбат отделения прошел штаб, а по порту порядок. Закрываем руководительство. Вот вас ждем. Франс Интер. Affaires sensibles. Фабрис Друэль. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui l'incident Almaz, notre invité Jean-François Clairvoy, astronaute, vétéran, 670 heures de vol dans l'espace. Bonjour Jean-François Clairvoy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement spationaute, vétéran du corps des astronautes européens. Vous totalisez 670 heures de vol. Voilà, vous avez reçu l'entraînement des cosmonautes russes à la Cité des Étoiles sur les systèmes Soyouz et Mir. Et puis en 1992, vous avez été détaché auprès de la NASA, donc chez les Américains. Vous avez tous fait qualifié spécialiste de mission pour la navette spatiale. Vous devenez, après votre troisième vol, responsable des interférences phase de contrôle de tous les systèmes de l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. En 2008, vous faites partie du jury de sélection de la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Voilà, on parlait de terminologie tout à l'heure avant l'émission, parce que c'est pas l'essentiel, mais après tout, c'est intéressant. Astronaute, cosmonaute, spationaute... Taïkonaute. Ouais, taïkonaute. Tous ces termes veulent dire la même chose. Mais c'est vrai que, traditionnellement, on réserve le mot de cosmonaute pour ceux qui décollent sur des vaisseaux russes, astronaute pour ceux qui volent à bord des vaisseaux américains. En France, après le vol de Jean-Luc Chrétien, les Français un peu chauvins ont voulu inventer un nom à eux, on a inventé le mot spationaute. Mais vis-à-vis de nos collègues européens... il n'est pas correct, ils ne connaissent pas ce terme, ils ne le comprennent pas, pour un Danois, un Allemand, un Italien. Donc le terme officiel à l'Agence Spatiale Européenne qu'on utilise, c'est astronaute, mais spationaute est dans le dictionnaire français. Mais voilà, tous les termes veulent dire la même chose, mais il y a des petites préférences. Bon, alors j'avais dit que c'était pas l'essentiel, on va revenir à l'essentiel maintenant. Cette histoire de 1976, deux cosmonautes russes qui tentent de s'entretuer à bord d'une station Soyouz au point pour l'agence russe de devoir écourter la mission, on la comprend. De nos jours et dans les prochaines années, un tel incident est-il possible ? En théorie, un incident de ce genre est possible. Les astronautes sont des humains. Et on peut pas prédire 100% l'avenir, hein, comme disait Saint-Exupéry. Mais il faut le rendre possible. C'est-à-dire, il faut sélectionner les astronautes. Aujourd'hui, avec des critères psychologiques qui sont beaucoup plus serrés qu'auparavant, c'est-à-dire que il y a beaucoup plus d'épreuves pour sélectionner les astronautes d'aujourd'hui qui font des vols de longue durée. Avant le décollage, une fois qu'un équipage est nommé à une mission qui aura lieu dans un an et demi ou deux ans, on les envoie en milieu extrême réel sur Terre où le risque physique est réel. Le grand froid canadien l'hiver par moins 40 degrés, le grand désert par plus 40 degrés l'été dans l'Utah, dans des habitats sous-marins où les systèmes de plongée en saturation nécessitent une très grande attention et du respect des procédures. On envoie des astronautes en Antarctique, on en envoie en Europe dans des grottes, en Sardaigne, où il y a à la fois de la spéologie, de l'escalade, tout ça sous terre, où il y a un vrai risque. Et les astronautes apprennent à mieux se connaître eux-mêmes, apprennent à connaître leurs collègues, et ça aide à souder les relations. En plus, lorsqu'on compose l'équipage, avant même ces entraînements de team building et d'apprentissage de sa propre personnalité, on vérifie qu'on a une compatibilité des personnalités. On fait attention à la compatibilité des personnalités, ce qui n'est pas le cas sur les missions de courte durée. Mais on ne sait jamais. J'ai bien retenu que la clé du succès dans l'harmonie d'un équipage, c'est la formation et le recrutement. Mais quelles sont les raisons, parce qu'il faut passer aussi par cette question-là, quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à devenir astronaute, à aller dans l'espace, à passer cette frontière incroyable ? Tous les astronautes sont devenus astronautes déjà parce qu'ils le voulaient très fort au fond d'eux-mêmes. On ne devient pas astronaute par hasard, on ne vient pas nous chercher. Ouais. Tous les astronautes sont des personnes, des hommes, des femmes, qui ont eu la démarche d'aller poser leur candidature. Après, lors de la sélection, on vérifie qu'ils ont les bons diplômes, qu'ils sont bien câblés psychologiquement et qu'ils calculent, qu'ils mémorisent vite, qu'ils ont un bon caractère. Mais on vérifie qu'ils en ont vraiment envie au fond d'eux-mêmes. Donc, ce sont des personnes qui ont le goût de l'aventure. Donc souvent, les candidats astronautes qui finissent par être sélectionnés ont fait de l'alpinisme, du parachutisme, sont pilotes, ont fait de la plongée. Et c'est vrai que si vous connaissez rien a priori d'une personne, si vous savez qu'elle est instructeur de plongée ou qu'elle a fait en escalade telle falaise, sans rien connaître, vous savez que c'est déjà une personne qui a une certaine maîtrise de soi, sait faire du confiance dans des guides, dans du matériel, sait respecter les procédures. Donc c'est quelqu'un sur qui a priori vous pourrez compter, mais après on creuse un peu plus. Dans le cas d'une mission spatiale, on est tous des professionnels à ce jour, avec une responsabilité qui est très importante pour la sécurité, d'une part, de l'équipage, et le succès de la mission. Et on sait que le succès de chaque tâche exercée par chacun dépend du bon comportement de l'autre et du succès de sa tâche à lui. Si je suis responsable du système de propulsion et que vous êtes responsable du système électrique et qu'on a un court-circuit et qu'on a une fuite de carburant, vous devez pouvoir compter sur moi. J'ai besoin de savoir ce que vous faites avec le circuit électrique pour savoir quelle valve je vais pouvoir fermer ou ouvrir pour gérer la fuite. Et si je ne me polarise que sur le système dont je suis responsable, par manque d'écoute active, comme on dit, on risque de mourir parce que je pourrais plus fermer la valve parce que je vous aurais pas écouté justement là où il y avait la fuite, par exemple. Qu'on s'est démontré à soi-même au cours de l'entraînement et aux autres qu'on est compétent et qu'on s'écoute entre nous, vous avez tous les facteurs de réussite. Bien. Alors, on va écouter un peu de musique et on va se retrouver dans 3 minutes et essayer de rêver avec Mars quand même. Parce que le nouvel horizon, aujourd'hui, pour les terriens, c'est Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream, to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Jean-François Clairvoy, je voudrais qu'on parle avant de parler de Mars, de l'horizon. Mars, de ce qu'on appelle le concept de l'overview effect. C'est quoi ? Pour les astronautes. L'overview effect, c'est la dénomination d'une expérience vécue exclusivement par les astronautes, l'expérience d'avoir vu la Terre de très haut, depuis l'espace, ouais. Qui se caractérise d'un point de vue sensoriel par le fait que l'horizon est à plus de 2500 km. On voit notre champ de vue couvre 2500 km à la ronde. Le contenu change très vite puisqu'on voyage à 28 000 km à l'heure. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous passez des atolls de Polynésie aux montagnes des Rocheuses, aux glaciers, aux déserts, aux forêts tropicales. Et en plus, c'est beau. C'est beau parce que la Terre a sa propre vie géologique climatique. Vous voyez des volcans, les ouragans, c'est puissant, c'est contrasté. Et la Terre abrite le vivant. Quand vous voyez des éclosions de phytoplancton depuis l'espace, c'est waouh, avec des larmes aux yeux. Et donc, on tombe amoureux de la planète. Donc, il y a une expérience sensorielle qui est unique, avec derrière une expérience émotionnelle, parce qu'on en pleure d'émotion tellement c'est beau, et je vous dis, on tombe amoureux de la planète. Et derrière, une expérience intellectuelle, parce qu'on se pose, on voit la Terre, on voit qu'elle est finie, de nos propres yeux, sur un fond d'immensité noire, vide du cosmos, on ne voit pas les étoiles, parce que l'œil n'est pas assez adapté à l'obscurité. Donc on a l'impression qu'il y a la Terre, le Soleil et la Lune, et rien d'autre. On est dans un vide infini, et c'est très troublant. Et donc on compare la Terre à un vaisseau spatial. D'accord. Qu'est-ce qui est le système de support vie du vaisseau spatial Terre ? Comme nous, on a un système à bord qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule la température, l'eau, nourrit l'équipage. C'est l'océan. Donc on devient des protecteurs de l'océan, des ambassadeurs de la planète Terre. Et on se dit que tous les humains devraient se comporter comme des membres d'équipage, pas passagers qui attendent qu'on s'occupe d'eux, mais membres d'équipage, c'est-à-dire avec une responsabilité à bord de gestion de ce vaisseau spatial. Et toute cette démarche sensorielle, émotionnelle, intellectuelle, mais même spirituelle, parce qu'on regarde la Terre, on se dit... Qu'est-ce qui a créé ça? Comment ça s'est créé? On a pas la réponse. C'est Frank Borman qui avait, le chef de bord de la mission Apollo 8 à Noël 1968, avait récité la Genèse. Quand il a vu la Lune, quand pour la première fois, grâce à lui, il y a James Lovell. Voilà, dans cet équipage, Bill Anders a eu et les Bill paroles. Et Bill Anders, qui était le 3. Voilà, les paroles les plus importantes dans l'histoire de l'humanité à ce jour de l'histoire astronautique. Nous pensions être partis étudier la Lune et ce qu'on a découvert, c'est notre planète. Il dit ça en voyant le lever de terre sur l'horizon lunaire le jour de Noël 1968. Et qui dit elle est fragile? Est-ce que c'est Neil Armstrong, Buzz Aldrin ou peut-être James Lovell dans Apollo 13 pour le coup? Peu importe, il y en a un qui dit elle est fragile. C'est beau de dire elle est fragile avant même la prise de conscience collective de l'écologie. Je crois que c'est dans les années 60, on fait Apollo 8 ou 9. C'est ou 10. Apollo 8 qui a engendré tout le mouvement environnementaliste. D'accord. Et toutes les associations, les fondations. Alors personnellement, j'aime pas dire la Terre est fragile parce que c'est de l'égoïsme anthropocentrique. Le vivant sur Terre est fragile. Quand vous voyez l'épaisseur de la couche d'atmosphère à l'horizon qui ressemble à du papier de cigarette à l'échelle de la planète, on se dit, nous, les animaux, les plantes, les humains, on tient qu'à ce très très mince filet de gaz. C'est vraiment impressionnant. Mais la Terre, elle nous survivra. Sa vie géologique, climatique, elle vivra d'autres espèces dans des millions ou milliards d'années. Les espèces ont des cycles de vie. Donc, moi, j'aime dire, le vivant est fragile. La Terre est magnifique, très belle, mais c'est le vivant qu'il faut protéger. Bon, en tout cas, on a une bonne idée d'aller sur la Lune, parce que ça pourrait maintenant, la Lune, être une étape, une espèce de gare, on va dire ça comme ça, sur la route, je dis peut-être n'importe quoi, parce que ça demande quand même des connaissances importantes, hein, de parler de ce qu'est l'espace. Enfin, je me lance quand même, admettons que ce soit comme ça, une gare quoi, vers la route de Mars, on y reviendra. Quels sont les vrais projets de Mars là? Parce qu'on nous parle tout le temps de Mars, on envoie des sondes, on va envoyer des hommes, puis on dit mais ça va être trop long. On en est où exactement? On continue à envoyer des sondes en orbite autour de Mars, comme la sonde ExoMars européenne lancée il y a un an et demi, très performante, qui analyse l'origine du méthane qu'il y a dans l'atmosphère. Est-ce qu'il est d'origine volcanique ou biologique? En 2020, on va lancer une seconde sonde européenne avec un rover, donc un petit robot à roulettes, qui va creuser à 2 mètres de profondeur. Oui. Ça sera une grande première. Donc toutes les sondes sont toujours plus performantes et recherchent le vivant passé, présent ou les éléments possibles prébiotiques, préliminaires au vivant. Donc c'est ça que l'on recherche. Mais un jour, et on cherche aussi le meilleur endroit où emmener des humains un jour. Ma meilleure estimation honnête, c'est qu'on va d'abord apprendre sur la Lune ce que c'est que vivre sur une base d'un autre corps céleste. Donc on va apprendre sur le plan opérationnel. Si on arrive à fabriquer du carburant à partir du sol lunaire, on décollera de la Lune parce que ça coûtera moins cher en énergie que depuis la Terre. Les premières missions humaines vers Mars tourneront autour de Mars, mais ne se poseront pas dans les années 30. Et les premiers humains à se poser sur Mars, c'est peut-être les années 40. C'est très difficile de se poser sur Mars. C'est quasiment le vide. Il y a une atmosphère, mais 150 fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Alors, qu'on parte de la Terre ou de la Lune, le voyage est quand même long. Il reste très très loin. Après tout, la Lune, c'est la banlieue de la Terre. Avec la propulsion chimique. Par rapport à Mars, d'accord. Voilà, il faut entre 8 mois en moyenne. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille. Alors pour le coup, et ça nous ramène au sujet de la fiction, qu'on travaille sur les rapports humains. Combien vous avez dit de voyages? Redites-moi, combien de voyages? L'aller simple, c'est en moyenne 8 mois. L'aller sur place et retour, c'est de l'ordre de 2 ans et demi. Donc, assignation à résidence avec d'autres personnes pendant tout ce temps-là. Avec en plus le fait qu'ils ne voient plus la Terre, ils ne peuvent plus converser avec la Terre, et pire, ils ne peuvent plus revenir en cas d'urgence. Depuis le début de l'astronautique, tout équipage a pu décider à tout moment de rentrer d'urgence maintenant s'il le faut, et en quelques heures, ils sont sur Terre. Ouais. Ce sera plus le cas dans le cas. Donc, ce sera une humanité très différente qui partira vers Mars. Alors, par exemple, comment on va gérer? Tiens, on va être très concret. Je ne vais pas dire prosaïque, hein, surtout pas. Concret. Par exemple, la vie sexuelle. Moi, c'est une des idées qui me vient. Là. Vous allez me dire, c'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est quand même important. C'est un sujet très important qui devra être étudié et pour lequel les psychologues recommandent des couples pour former l'équipage. Alors, ce sera peut-être pas facile de trouver des experts qui soient à la fois en très bonne santé, qui aient double master, ou qui soient à la fois ingénieurs, pilotes ou médecins, parce qu'on cherchera des doubles expertises. On aura besoin, dans un petit équipage, de toutes les expertises qu'on a pour le moment dans des équipages de 6-7. Mmh. Et qui, en plus, soient couples, mais ce sera idéal. Ensuite, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, l'autonomie du commandant. Bon, si on recrée une micro-société, hein, ce serait une micro-société. On sait que les sociétés sont dirigées. Il y a des chefs. Il y a des gens qui ne sont pas chefs. Voilà. Alors d'abord, il faut que ce soit un équipage en nombre impair, pour que, en cas de vote, il y ait toujours une majorité. Déjà, très bien. Ah oui, si on veut recréer une démocratie, oui. Effectivement. Il faut réinventer ce leadership, parce que jusqu'à ce jour, depuis le début des vols habités de Yuri Gagarin, l'autorité numéro un d'une mission spatiale a toujours été le directeur de vol au sol. Et le commandant de bord a délégation en cas de perte de communication, mais ponctuelle. Et pour décider de rentrer, en général, s'il y a une perte de communication et qu'il ne revient pas, c'est qu'il y a un problème sérieux et on revient. Et là ? Mais là, il faudra une véritable autorité qui soit reconnue par ses pairs comme le plus expérimenté, le meilleur décisionnaire, sage, et qui entraîne avec lui tous les autres. Comme disait Saint-Exupéry, si tu veux construire un bateau, ne donne pas des ordres à tes hommes et tes femmes dans le détail. Fais naître le désir de la mer dans le cœur de tes hommes et de tes femmes. Il faudra que ce soit un commandant de bord charismatique qui fasse naître le désir de la mission martienne à tous les membres de l'équipage. Mais il faudra que cet équipage soit formé longtemps à l'avance, plusieurs années à l'avance, pour que l'équipage s'approprie le vaisseau comme une extension de leur corps, et pas comme un vaisseau qui va les soumettre à un danger, mais comme un vaisseau ami qui va les protéger. Et il faudra qu'ils adoubent le commandant de bord, comme celui qu'ils admirent, qu'ils respectent et qu'ils ont envie d'écouter. Mmh. Vous imaginez des équipages de combien de personnes, à peu près ? Les premiers seront de l'ordre de 5. Pas plus ? Sauf si on écoute Elon Musk avec SpaceX qui... Mais non, on va pas faire du tourisme spatial. Non, pas du tourisme. Mais les premiers équipages, oui, ce seront... On n'aura pas de quoi faire des gros vaisseaux. Se poser sur Mars. On peut pas descendre avec des parachutes. Il faut des rétrofusées qui compensent le poids tout le temps de la descente, comme pour aller sur la Lune. Comme pour le LEM. Comme pour le LEM, exactement, le module lunaire. Donc dès qu'on parle de vaisseau habité, on parle de 10-15 tonnes minimum. Et si vous parlez d'un équipage au-delà de 3 à 5 personnes, c'est tout de suite des dizaines de tonnes. Et ça, c'est très compliqué, on n'est pas prêt à le faire tout de suite. Or, on veut y aller vers Mars le plus vite possible. Donc ce sera un équipage de 3 ou de 5, à mon avis, au début, et international. Toute dernière chose, Jean-François Clairvoy, on pourra en discuter des heures, c'est fascinant. Hein. Dernière chose, au début en tout cas, les conditions de vie pour se laver, manger, la nourriture lyophilisée, ça ressemblera beaucoup à ce qui s'est passé dans les cabines Apollo, où c'était déjà quand même des premiers voyages un peu longs, puisque ça, c'était une semaine. Hein. Alors, et il fallait bien vivre pendant une semaine. Dans la Station Spatiale Internationale, on a déjà fait un progrès énorme par rapport aux missions Apollo. Il n'y a plus de tubes avec de la crème énergisante, etc. On a des plats, quand on les regarde, c'est le même plat qu'on mange chez nous. On a des chambres à coucher individuelles. On a les liaisons radio, privées avec sa famille, quand on veut. Il y a des astronautes qui appellent leur famille tous les jours depuis la station spatiale. Puis vous pouvez marcher. Alors, parce que dans les cabines Apollo, pour marcher, c'était compliqué. Voilà, on a de l'espace. On peut courir. Enfin, marcher, je veux dire, oui. En apesanteur. Voilà, on peut évoluer, effectivement. Ça restera du camping. C'est-à-dire que la priorité en termes de masse à emporter sera donnée au système de sécurité pour assurer la vie, donc à la nourriture, à l'eau, au système qui régénérera l'eau. Aujourd'hui, on recycle au maximum. Nous sommes les champions dans l'espace de l'anti-gaspillage et l'anti-recyclage. On recycle l'urine à 80% en eau potable depuis plusieurs années. L'urine qui n'est pas converti en eau potable, on l'électrolyse pour fabriquer de l'oxygène qui est relâché dans la cabine pour le respirer, et l'hydrogène de l'autre côté, on le combine avec le gaz carbonique de notre expiration pour refabriquer de l'eau et du méthane. On est en train de réaliser des expériences au sol de recyclage des déchets solides, parce que pour aller vers Mars, on a envie d'emmener le moins possible de stocks de nourriture pour pouvoir emmener le plus d'instruments scientifiques. Donc il faut apprendre à recycler. Jean-François Clairvoy, toute dernière question, un peu personnelle, mais pourquoi pas. Vous emportez des livres, vous, dans l'espace, est-ce que c'est important d'avoir... Ça peut être autre chose, ça peut être de la musique, ça peut être... Oui, c'est important d'emmener des objets personnels et qui soient attachés à une histoire culturelle. Donc j'ai des collègues qui ont emmené des BD, des collègues qui ont emmené Le Petit Prince. On peut amener aussi un instrument de musique, on peut amener de quoi dessiner ou peindre. Aujourd'hui, on a des films maintenant, les astronautes regardent, ils ont plusieurs centaines de Blu-ray, ils regardent des films. Mais le spectacle le plus fantastique, c'est quand même de regarder la Terre. Moi, j'ai amené 3 fois mon Rubik's Cube, parce que j'aimais bien vérifier avant de me coucher tous les soirs que mon cerveau fonctionnait bien. Mais j'emmènerai facilement un livre de science-fiction, peut-être d'Asimov. Bien. Presque une mise dans l'abîme. Un livre de science-fiction, vous êtes dedans. Oui. Bon. Jean-François Clairvoy, merci infiniment de nous avoir fait partager vos expériences spatiales et puis votre réflexion sur ce nouvel horizon pour les terriens qui s'appelle Mars. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, l'incident Almaz, une fiction écrite par Vincent Daigre, réalisée par Michel Sidorov et Anne Liorot. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Kevin Pelot.